6. Le drame de la galerie des serres. Nous sommes encore à Fontainebleau. Ce qu'on appelle aujourd'hui le château de Fontainebleau est une vaste réunion de bâtiments de différents styles construits à diverses époques de la monarchie. Remaniés 20 fois, ces bâtiments offrent un échantillon de toutes les architectures, depuis le manoir féodal, dont on retrouve des traces dans la cour ovale ou du donjon, jusqu'à ce style bâtard, sans goût et sans grandeur, qui marque le règne de Louis XV, et auquel est due l'aile neuve de la cour du Cheval Blanc, une misérable bâtisse qui dépare complètement le château et lui donne de ce côté l'aspect d'une caserne. Mais c'était surtout à l'intérieur, dans ces vastes appartements, que le château de Fontainebleau a subi de fréquentes et profondes modifications. Parmi les constructions et les embellissements dus au règne d'Henri IV, il faut citer la création du jardin de l'Orangerie, sur un terrain vague, en dehors de l'enceinte primitive de François Ier, et où ce prince avait établi le jardin dit « des buis ». Henri IV recula le fossé pour embellir cet espace et créa un parterre autour duquel il éleva la galerie des chevreuils et celle des cerfs. Ces deux galeries étaient terminées et réunies par une vaste volière qui, détruite sous le règne de Louis XV par un incendie, fut remplacée par une orangerie d'où est venu le nom donné depuis à cette partie du château. La galerie des cerfs fut ainsi nommée à cause des ramures de cerfs dont elle était ornée. On avait placé ces ramures sur des massacres ou simulacres en bois de têtes de ces bêtes fauves entourées de feuillages dorés. La galerie était divisée en 13 compartiments de 20 pieds de large sur 20 de hauteur, peints à l'huile sur plâtre par Dubreuil. Telle était encore la galerie des serres sous le règne de Louis XIV, à l'époque où se passe notre récit. Elle n'existe plus aujourd'hui. On l'a divisée en appartements particuliers. C'est là, dans la troisième chambre, près de la croisée, que l'on peut lire cette inscription mise du temps de Louis-Philippe. C'est près de cette fenêtre que Monaldeschi fut tué par ordre de Christine le 10 novembre 1657. Et dans l'église d'Avon, petit village près de Fontainebleau, se trouve une plaque de marbre scellée dans le pavé et sur laquelle est gravée cette épitaphe « Ici fut inhumé, le 10 novembre 1657, à 6 heures du soir, le corps de Monaldeschi, mis à mort dans la galerie des serres à 4 heures et demie du même jour. » Nous avons le lieu de la scène, nous allons voir le drame. Vers le milieu de l'année 1657, Christine de Suède, reprise de son humeur vagabonde, avait quitté Rome une seconde fois. Elle se rendit en France, accompagnée d'une suite nombreuse et amenant avec elle son grand écuyer, le marquis de Monaldeschi, dont la liaison galante avec la reine n'était un mystère pour personne. Elle ne s'en cachait pas, d'ailleurs, et donnait publiquement à son favori des marques telles d'intimité que les moins clairvoyants ne pouvaient pas s'y tromper. Mais ce dont on s'étonnait un peu, c'est de la constance dont la reine de Suède faisait montre cette fois dans son affection. Le cardinal Mazarin apprit l'arrivée de Christine avec un certain déplaisir. Il pensait qu'elle venait en France pour ourdir quelque intrigue politique au sujet de son ancien royaume. Il ne la laissa séjourner que peu de temps à Paris et lui assigna le palais de Fontainebleau pour résidence après avoir chargé quelques espions de veiller sur ses allures. Plus bizarre que jamais dans sa manière de s'habiller, dans sa façon de vivre, la reine de Suède produisit sur l'élégante cour de Louis XIV un effet encore plus singulier que lors de son premier voyage. Mademoiselle de Montpensier, dans ses mémoires, nous a conservé un curieux témoignage de l'impression de la cour quand l'Amazone du Nord fit son apparition. « J'avais tant ouï parler d'elle, dit la fille de Gaston d'Orléans, que je mourais de peur de rire quand je la verrais. Comme on me cria gare et que l'on me fit place, je l'aperçus. Elle me surprit et ce ne fut pas d'une manière à me faire rire. Elle avait une jupe grise avec de la dentelle d'or et d'argent. Un justaucorps de camelot couleur de feu, avec de la dentelle de même que la jupe. Au cou, un mouchoir de point de gêne, noué avec un ruban couleur de feu, une perruque blonde, et derrière un rond comme les femmes en portent, et un chapeau avec des plumes noires. Elle est blanche, avec les yeux bleus. Dans des moments, elle les a doux, et dans d'autres, fort rudes. La bouche assez agréable, quoique grande. Les dents belles, le nez grand et aquilin. Elle est fort petite, son juste corps cache sa mauvaise taille. À tout prendre, elle me paraît un joli petit garçon. Elle m'embrassa et me dit « J'ai la plus grande joie d'avoir le bonheur de vous voir. je l'ai souhaité avec passion. Elle me donna la main pour passer sur le banc et me dit « Vous avez assez de disposition pour sauter. » Le fait est que plus tard, la grande mademoiselle sauta le fossé avec Lauzun. Après le ballet, poursuivit mademoiselle de Montpensier, nous allâmes à la comédie. Là, elle me surprit. Pour louer les endroits qui lui plaisaient, elle jurait Dieu, se couchait dans sa chaise, jetait ses jambes d'un côté et de l'autre, les passait sur les bras de sa chaise. Elle tenait des postures que j'ai jamais vu faire qu'à Trivelin et à Jodelet, qui sont deux bouffons, l'un italien, l'autre français. Elle répétait les vers qui lui plaisaient, elle parle sur beaucoup de matière, et ce qu'elle dit, elle le dit assez agréablement. Il lui prenait des rêveries profondes, elle faisait de grands soupirs. Puis tout d'un coup, elle revenait comme une personne qui s'éveille en sursaut. Elle est tout à fait extraordinaire. Sur l'ordre de Mazarin, Christine alla donc s'installer à Fontainebleau et elle prit aussitôt ses mesures pour passer la vie la plus agréable dans cette résidence. Ninon de l'Enclos et la comtesse de la Suze, attirées par la curiosité, vinrent la voir et passèrent quelque temps avec elle. Henriette de Coligny, comtesse de la Suze, était moins célèbre pour ses vers que pour sa beauté et ses relations avec le monde littéraire de l'époque. Comme Ninon, sur laquelle on a fait le quatrain suivant, « L'indulgente et sage nature a formé l'âme de Ninon de la volupté d'Épicure et de la vertu de Caton. » La belle comtesse de la Suze était une adepte de cette philosophie épicurienne à laquelle le français Bourdelot avait initié Christine, et que Catherine aurait apprise de son tempérament seul, à défaut d'autres maîtres. Mais Christine y apportait plus de fougue et quelque chose d'âpre qu'elle devait au rude climat et aux mœurs de sa patrie. Les fêtes, les banquets anacréontiques se succédaient à Fontainebleau. Monaldeschi les présidait, et rien ne semblait devoir troubler la quiétude des amours de la reine de Suède, tout au plaisir et à sa passion. Un orage cependant se formait, sans qu'ils s'en doutassent, sur la tête des deux amants. Dès qu'il avait été certain de la puissance de l'empire qu'il exerçait sur sa royale maîtresse, le caractère du marquis Monaldeschi avait complètement changé. Affable, serviable, accessible pour tous, il avait d'abord témoigné, du moins en apparence, au comte Maria Santinelli une grande amitié, lui répétant que c'était à lui qu'il devait sa fortune, qu'il n'oublierait jamais et qu'il lui prouverait tôt ou tard sa reconnaissance par des témoignages éclatants. Le rancuneux Santinelli accueillait avec une extrême réserve l'expansion des sentiments que Monaldeschi affichait à son égard. Pour avoir renoncé définitivement aux faveurs de Christine et pour avoir trouvé à Rome, dans une liaison avec une amie de la duchesse Cornelia Romagnoli, d'ample consolation à ses mésaventures avec Christine, il n'en voulait pas moins à Monaldeschi et ne renonçait pas au projet de lui nuire, tôt ou tard. Il fut confirmé dans ce mauvais sentiment par le changement qui s'opéra dans l'humeur du favori de la reine. Monaldeschi, aveuglé par sa fortune, devint dur, hautain, insolent, et se fit haïr de tous ceux qui composaient la petite cour de Christine. Il tint désormais Maria Santinelli à une distance respectueuse, lui transmettant comme à un subalterne les ordres de la reine et le confinant dans les fonctions de majordome sans lui permettre d'en sortir jamais. Christine elle-même s'était complètement éloignée de Santinelli, paraissant avoir oublié tout ce qui s'était passé à l'époque où le comte avait pu concevoir quelque espérance d'occuper dans son cœur la place dont un autre avait fini par s'emparer. Elle lui donna une preuve de cette indifférence, ou plutôt de cet oubli presque méprisant. Un soir, Monaldeschi fit appeler le majordome dans la grande salle des serres. « Monsieur le majordome, lui dit-il, « Sa Majesté m'a chargé de vous remettre ce pli en me priant de vous répéter ses propres paroles. N'ayant plus aucun motif pour retenir auprès de moi le jour où il jugerait convenable de quitter mon service, le comte Maria Santinelli, je ne veux pas conserver plus longtemps le gage qui m'assurait de sa fidélité. Dites-lui qu'il peut détruire le papier enfermé sous ce pli et qu'il n'a plus pour moi aucune espèce d'intérêt. » Santinelli brisa l'enveloppe. Elle contenait la déclaration que Christine l'avait forcée à écrire 3 ans auparavant et dans laquelle il se reconnaissait coupable d'avoir attenté à la vie du duc de Guise. À cette insulte, à ce témoignage de la défaveur que la reine lui faisait tenir par la main même de celui qui l'avait supplanté, il fut pris d'un accès de sourde rage. « La vengeance est assez refroidie, murmura-t-il. Il est temps de la manger. » La fortune le servit à point et lui offrit une occasion qu'il eut garde de laisser échapper. Nous avons dit qu'il avait trouvé à Rome, avant son départ pour la France, à la suite de la reine de Suède, quelques consolations avec une amie de la duchesse Cornelia Romagnoli. C'était une veuve d'une grande beauté, quoique déjà un peu sur le retour, et de mœurs assez légères. On la nommait Livia Delia Croce. Elle était très coquette, très répandue dans la société, recevait chez elle beaucoup de jeunes gens, et c'était dans son salon qu'il fallait aller si l'on voulait être au courant de la chronique scandaleuse de Rome. Tout s'y savait et tout s'y disait. La signora Livia, sans lui garder plus de fidélité que n'en comportaient ses principes, n'avait pas perdu l'espoir de revoir Maria Santinelli, et elle n'avait pas cessé de correspondre avec lui depuis son départ. Quelques jours après la scène de la galerie des serres, Santinelli reçut à Fontainebleau la visite d'un jeune seigneur italien qui arrivait de Rome, porteur d'un message de la cour pontificale pour le cardinal Mazarin. « La signora Livia Delia Croce, lui dit-il, m'a chargé pour vous d'une commission. Ce sont, paraît-il, des papiers très importants, car elle m'a recommandé de vous les remettre dans le plus grand secret. » Ces papiers étaient accompagnés d'un billet, ainsi conçu. « Mon cher Maria, vous savez toute l'amitié que je vous porte et tout le bien que je vous veux, de loin comme de près. Voici des papiers qui pourront vous intéresser et dont vous ferez, dans l'intérêt de vos affaires, l'emploi que vous jugerez le plus utile. » Comment ils sont tombés entre mes mains, cela importe peu, et n'ajoute ou ne retranche rien à leur valeur. Apprenez seulement qu'une certaine signora Diane, ayant causé quelques scandales dans une maison de plaisir que fréquente notre jeune libertine, elle a été arrêtée par la police romaine et mise dans un couvent de filles repenties. Les lettres que je vous envoie ont été trouvées chez elle. Vous n'avez jamais été des amis du grand écuyer de cette reine de comédie, à la fortune de laquelle vous vous êtes attachés. Je crois même vous avoir entendu dire que vous ne seriez pas fâché de lui jouer quelques bons tours. Lisez et vous jugerez peut-être que vous avez entre les mains tous les moyens de lui être désagréable. Quant à moi, je ne serais pas fâché, mon cher Maria, de causer quelque dépit et même quelque ennui à cette femme qui semble être venue tout exprès de son vilain pays de neige, de frimas et de brouillard, sous le beau ciel de l'Italie, pour nous enlever nos plus aimables cavaliers servants. Je ne dis pas cela pour vous, de l'affection de qui je n'ai jamais douté. Votre vieille amie, Livia. Les papiers qu'accompagnait ce billet consistaient en 4 lettres, datées de Paris et de Fontainebleau. Au premier coup d'œil qu'il y jeta, le comte Maria Santinelli reconnut l'écriture et la signature du marquis Giuseppe Monaldeschi. Ces lettres étaient adressées à cette signora Diane, que nous avons vue parmi les habitués du logis du signor Pancrazio. Maria Santinelli s'enferma dans sa chambre et les relut plusieurs fois. Pendant cette lecture, une joie étrange brillait dans ses yeux. Le jour même, s'étant assuré que Monaldeschi était sorti du château pour se livrer dans la forêt à une partie de promenade avec quelques gentilshommes français venus de Paris, il pénétra hardiment dans les appartements de la reine. Christine était seule, dans son oratoire. À la vue de Santinelli, elle fronça les sourcils et fit un geste de colère. « Qui vous a permis, s'écria-t-elle, de vous introduire ainsi chez moi, sans être appelé? Je saurais punir cette audace. » Et comme il allait s'expliquer, « Retirez-vous sur l'heure, je ne veux rien entendre. »« Madame, dit Maria Santinelli d'une voix ferme et un peu rude, vous m'écouterez car ce que j'ai à vous révéler intéresse votre honneur de femme et votre majesté de reine. Puis, lorsque j'aurai accompli mon devoir, vous ferez de moi ce que vous voudrez. » « L'honneur de la femme, la majesté de la reine. » « Prenez garde de les offenser vous-même. Je vous ai déjà pardonné une fois. » « Madame, interrompit le comte, l'outrage, un outrage horrible, ne vient pas de moi. » « Et de qui donc, s'il vous plaît ?»« Du grand écuyer, de Giuseppe, marquis de Monaldeschi. » « Prenez garde à vos paroles. Vous n'oseriez répéter devant lui ce que vous venez de dire. Une pareille accusation ?»« Ce n'est pas moi qui l'accuserai, et c'est lui-même qui témoignera contre lui. » « Oui, le crime qu'il a commis est horrible. L'outrage est sanglant. Si vous ne les jugez pas tels, je consens à payer de ma vie. » « Des faits et des preuves. » « Votre Majesté se sent-elle assez sûre d'elle-même pour ne pas détruire, dans un moment de juste emportement, ses papiers ?»« Donnez, » fit-elle, en s'emparant d'un petit paquet que Maria Santinelli venait de tirer de son pourpoint. « Des lettres ?» Elle en déplia vivement une, l'écriture de Monaldeschi. Et sa signature, toutes ses lettres sont signées. Adressées à une femme ? une fille nommée Diane, avec laquelle le marquis Monaldeschi s'était lié à Rome avant d'entrer au service de votre majesté et avec laquelle il n'a pas cessé de correspondre depuis que nous sommes venus en France. » Christine avait parcouru rapidement la lettre. Elle devint horriblement pâle, porta la main à son cœur, puis elle chancela. Sentinelli la soutint et avança un fauteuil sur lequel elle se laissa tomber. « Ah, oh, c'est affreux » murmura-t-elle. Elle se mit à lire alors les trois lettres, d'un bout à l'autre, recommença sa lecture et resta quelques instants, comme anéantie. Ses traits étaient contractés. Ses yeux bleus avaient pris cette expression de rudesse dont Mademoiselle de Montpensier parle dans ses mémoires. Debout près d'elle, dans une attitude à la fois triste et respectueuse, appropriée à la circonstance, le vindicatif Sentinelli suivait, avec une secrète joie, les progrès de l'orage qui bouillonnait en elle. Dans les lettres qu'elle venait de lire, le marquis Monaldeschi révélait à la signora Diane, par une perversité d'esprit, par une sorte de raffinement de grossière galanterie dont on a eu malheureusement plus d'un exemple, tous les secrets de sa liaison avec Christine de Suède, les plus intimes détails de la passion que la reine avait conçue pour lui. Il tournait en dérision cet amour, il dévoilait toutes les faiblesses morales et jusqu'aux défauts physiques de cette reine, avec les particularités qui ne laissaient aucun doute sur l'authenticité des lettres, ces particularités ne pouvant être connues que de la reine et de lui. Christine se redressa tout à coup et se mit à marcher avec agitation dans son oratoire. Puis, s'arrêtant devant Sentinelli, « Comment ces lettres te sont-elles tombées entre les mains ?»« Elles m'ont été envoyées de Rome, » dit-il. Par la signora Livia Delia Croce. La police les a saisis chez cette Diane, arrêtée et mise au couvent pour ses mauvaises mœurs. Mais si cela peut être un baume sur votre blessure, je puis vous affirmer que personne ne les a lues, que la signora Livia, qui, connaissant mon profond attachement pour votre majesté, me les a envoyées aussitôt. Il mourra. Il faudra qu'il meure, entends-tu, comte Sentinelli. Puis-je compter sur toi? Mon cœur et mon bras sont au service de la reine. « Dis à ton frère de réunir mes gardes. Envoie-moi le père Lebel. Mais je veux d'abord confondre moi-même le coupable, en lui mettant sous les yeux ces infâmes lettres. Votre majesté agirait prudemment si elle en faisait d'abord tirer une copie, car il pourrait les anéantir. Alors copie-les toi-même. Personne ne doit lire ces abominables papiers. » Sentinelli transcrivit les trois lettres dans l'oratoire même de la reine. Cela prit un assez long temps. Monaldeschi ne rentra d'ailleurs au château que fort tard dans la soirée. La reine Christine s'enferma dans son appartement pour ne pas le voir, remettant au lendemain le dénouement de cette tragique affaire. Le lendemain, 10 novembre, à midi, Christine vint dans la galerie des serres. Le frère du comte Sentinelli, chef de ses gardes, s'y trouvait avec deux autres nommés Landini et Ostracchi, qui tenaient leur épée nue à la main. Christine leur ordonna de se retirer à une des extrémités de la galerie pendant l'entretien qu'elle allait avoir avec Monaldeschi. Celui-ci, qui ne se doutait de rien, prévenu que la reine avait à lui parler, arriva quelques instants après dans la galerie. Il ne remarqua pas les trois gardes. Christine l'entraîna dans l'embrasure d'une fenêtre qui donnait sur le jardin de l'orangerie. « Quelqu'un m'a trahi, Monaldeschi, » lui dit-elle brusquement. « Non seulement il m'a trahi, mais encore il m'a fait subir le plus cruel des outrages. » « Il mérite la mort, ma reine. Quel est son nom ?»« Il habite ce palais. Il est attaché à mon service, à ma personne. »« Sentinelli, n'est-ce pas ?»« Non, le traître s'appelle Monaldeschi. »« Moi ? Moi ? » fit-il, un peu troublé. « Moi ? Vous trahir ? Vous outrager ? » ?»« N'est-ce pas toi qui as écrit ces lettres à la signora Diane ?» Elle lui présenta une des lettres recopiées par Sentinelli. Au premier coup d'œil qu'il y jeta, Monaldeschi reconnut bien ce qu'il y avait écrit, mais ce n'était pas son écriture, et il pensa que Christine n'avait qu'une copie de ses maudites lettres. Il voulut payer d'audace. « Madame, dit-il, en recouvrant son sang-froid, on m'a calomnié auprès de votre majesté, et je suis victime d'une infernale machination. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, vous le savez bien. Ainsi tu nies, je jure par le sang du Christ, par mon salut éternel, que jamais. Tu nies, n'est-ce pas ? Si j'avais été assez coupable pour commettre un pareil crime, mes ennemis, ceux qui veulent me perdre, auraient mis mes lettres même, au lieu de ces prétendues copies, sous les yeux de votre majesté. Madame, écoutez-moi, continua Monaldeschi, en voyant Christine réprimer avec peine un mouvement de colère. comment pouvez-vous supposer que celui qui vous a voué sa vie entière, que celui qui a eu le bonheur d'être aimé d'une aussi grande reine, ait pu oublier à ce point ? Christine, ajouta-t-il plus bas, en se rapprochant d'elle, en l'enveloppant d'un regard caressant, en donnant à sa voix tout le charme qu'elle avait aux heures intimes. Christine, ne m'avez-vous pas vue à vos pieds, ivre d'amour ? Avez-vous oublié ces doux transports, cette ivresse partagée ? Croyez-vous donc que ce cœur dont vous avez senti les battements ait pu changer au point de s'ouvrir à un aussi noir complot contre votre honneur ? Non, vous ne le croyez pas. « Ah, ces Italiens !» s'écria Christine en le repoussant. « Ils sont pétris d'astuces et de mensonges. Leur cœur distille la trahison. Tiens, sois confondu !» Elle lui jeta au visage une des lettres originales. Monaldeschi la ramassa et reconnut cette fois son écriture. « Nie maintenant, mais nie donc, si tu l'oses. Monaldeschi, tu vas mourir !» Le père Lebel, supérieur des Mathurins et qui servait d'aumônier à la reine depuis son arrivée au château de Fontainebleau, entra à ce moment dans la galerie. « Mon père, lui dit Christine, confessez cet homme et préparez-le à bien paraître devant Dieu. Il n'a plus que quelques minutes à vivre. » Monaldeschi avait aperçu dans un coin de la galerie les trois gardes qui se tenaient immobiles, l'épée nue, à la main. Il comprit qu'il était perdu. Et reconnaissant parmi ses gardes le frère du comte Santinelli, il devina d'où le coup lui était venu. Il se jeta aux pieds de la reine, implorant son pardon. Larmes, prières, tout fut inutile pour fléchir le cœur de Christine. Après s'être traîné à ses pieds, Monaldeschi se leva et, tirant brusquement la reine dans un coin, il lui parla vivement pendant près d'un quart d'heure. Les témoins de cette scène entendirent qu'il demandait un sursis de quelques heures, lui jurant que cela lui suffirait pour se justifier, pour déjouer la trame de ses ennemis. « Mon père, dit froidement Christine, en se tournant vers le supérieur des Mathurins, soyez témoin que j'ai donné à ce perfide, à ce traître, tout le temps qu'il faut. Je me retire et vous le laisse. Disposez-le à la mort et prenez soin de son âme. » Monaldeschi se jette de nouveau à ses pieds. Le père Lebel, bouleversé par cette scène, supplie à son tour la reine de se montrer miséricordieuse. Inexorable, elle s'arrache à ses obsessions. « Cet homme est un traître, » crie-t-elle aux sbires, en leur désignant Monaldeschi. « Je vous le livre, vengez-moi » Et elle se retire dans son appartement. Les gardes avaient entouré Monaldeschi. « La vie de cet homme est sacrée tant qu'il ne s'est pas confessé, » leur dit le père Lebel. « Je cours parler de nouveau à la reine. »« Madame, » dit-il à Christine, « ce n'est plus au nom d'un Dieu de paix et de pardon que je viens vous implorer. Je viens vous parler au nom d'un des plus puissants souverains de la terre. » Vous ne pouvez ordonner, vous ne pouvez faire commettre un meurtre dans le palais du roi de France. La justice a des voies que les plus hauts et les plus grands personnages doivent suivre. Songez à la colère du roi lorsqu'il apprendra que vous avez souillé l'asile qu'il vous a offert. « Je suis reine partout où je me trouve, » répondit Christine. « Aucune volonté, aucune puissance n'est au-dessus de la mienne. » En moi seul réside la justice absolue et souveraine sur tous mes sujets. Allez confesser cet homme, si vous voulez lui épargner les châtiments éternels. » Le père Lebel retourna dans la galerie des serfs et n'eut que le temps de donner l'absolution à l'infortuné Monaldeschi que le frère du comte Maria Santinelli frappa en pleine poitrine d'un coup d'épée. Mais il se trouva qu'il portait sous son pourpoint une cotte de maille. L'épée glissa et lui fit une blessure au bras. Alors se passa une scène épouvantable que prolongèrent la maladresse des assassins et la lâcheté de leurs victimes, qui couraient éperdues à travers la galerie en poussant des cris inarticulés. Monaldeschi est enfin renversé et Santinelli parvient à lui plonger le fer dans la gorge. Le père Lebel, qui nous a laissé un récit émouvant de ce drame, ajoute « Après ce dernier coup d'épée, il demeura plus d'un quart d'heure à respirer, durant lequel je lui criais et l'exhortais de mon mieux à bien mourir. Et ayant ainsi perdu tout son sang, il finit sa vie à 3h15 d'après-midi. Le chef des trois lui remua un bras et une jambe, déboutonna son haute-chausse et son caleçon, fouilla dans son gousset et ne trouva rien, sinon en sa poche, un petit livre d'heures de la Vierge et un petit couteau. Après quoi, ils partirent tous les trois, et moi après, pour recevoir les ordres de Sa Majesté, qui attendait l'issue dans son appartement. Elle me commanda d'avoir soin de l'enterrer, et me dit qu'elle voulait faire dire plusieurs messes pour son âme. Voltaire, parlant de l'aventure sanglante du château de Fontainebleau, a dit « Ce n'était pas une reine qui punissait un sujet, c'était une femme qui terminait une galanterie par un crime. Madame de Motteville, que nous avons déjà citée, nous a laissé aussi un récit succinct de l'assassinat du favori de Christine de Suède. Elle le termine par quelques détails curieux sur ce qui suivit le drame de la galerie des cerfs. Cette barbare princesse, après une action aussi cruelle que celle-ci, demeura dans sa chambre à rire et à causer aussi tranquillement que si elle eût fait une chose indifférente ou fort louable. La reine-mère, Anne d'Autriche, toute chrétienne, qui avait eu tant d'ennemis qu'elle aurait pu faire punir et qui n'avait reçu d'elle que des marques de sa bonté, en fut scandalisée. Le roi et monsieur la blâmèrent, et le ministre, qui n'était point cruel, en fut étonné. Enfin, toute la cour eut horreur d'une si laide vengeance, et ceux qui avaient tant estimé cette reine furent honteux de lui avoir donné des louanges. Mais ce ne fut pas sans se moquer du pauvre mort, qui n'avait eu le courage ni de se sauver, ni de se défendre, et d'avoir eu contre cet accident une précaution si inutile, car du moins il devait avoir un poignard, et s'en servir avec valeur. On laissa cette reine languir longtemps à Fontainebleau pour lui montrer le mépris qu'on avait pour elle. Mais enfin elle supplia tant de fois le ministre de la laisser venir à Paris qu'il lui fut impossible de refuser. Elle vint donc voir le ballet que le roi dansa cette année pour le carnaval et elle arriva le 24 février 1658. Il est à croire qu'elle aurait souhaité de pouvoir s'établir en France, mais on ne lui fit espérer que de l'y souffrir que quelques jours seulement. On la logea dans le Louvre, à l'appartement du cardinal Mazarin, ce qui fut concerté exprès, pour lui montrer qu'il fallait qu'elle le quittât promptement. Malgré toutes les précautions de la reine, elle y passa les jours gras qu'elle employa le mieux qu'elle put. Rien ne parut en elle de contraire à l'honneur, je veux dire à cet honneur qui dépend de la chasteté. Et si elle s'était laissée entamer sur ce chapitre, les charitables gens de la cour n'auraient pas oublié de le publier. Mais en tout le reste, elle montra peu de sagesse, peu de conduite et beaucoup d'emportement pour le plaisir. Elle courait les bals en masque, elle allait sans cesse à la comédie avec des hommes, toute seule, dans les premiers carrosses qu'elle rencontrait, et jamais personne n'a paru plus éloigné de la philosophie que celle-là. Elle partit enfin les premiers jours de carême, ayant reçu quelque argent du roi, et retourna à Rome, où l'action qu'elle avait faite en France ne la fit pas estimer. 7. La fin d'une reine galante. Christine de Suède ne pouvait rester longtemps nulle part. Elle reprit sa vie aventureuse et retourna en Italie, où le comte Maria Santinelli, rentré en faveur depuis la mort de Monaldeschi, et qui paraît s'être avancé fort loin dans ses bonnes grâces, finit par se séparer d'elle. Pour le récompenser de ses services, elle lui fit obtenir le commandement d'un régiment au service des Vénitiens. Puis l'ambition lui revint. Elle songea à reconquérir son royaume. Son cousin Charles-Gustave, en faveur de qui elle avait abdiqué, régnait sous le nom de Charles X. Il mourut, laissant un fils mineur. Elle se rendit en Suède et réclama la tutelle du jeune roi. On a dit que les Suédois, qui ne lui avaient pas pardonné son abjuration, la repoussèrent à cause de son changement de religion. Il est probable que, si tel eût été le véritable motif des répugnances de ses sujets à son égard, Christine aurait répété sans hésiter le mot de Henri IV « Ce royaume vaut bien une messe ». Les Suédois repoussèrent sans doute Christine pour d'autres motifs, parmi lesquels durent figurer au premier rang les scandaleuses singularités de son existence vagabonde. On l'obligea à signer un acte de renoncer à toute ingérence dans les affaires politiques de sa patrie. Rome la revit encore une fois. Ce fut dans cette ville qu'elle reprit le cours de ses galanteries. Mais cet âge était venu pour elle où l'amour, dans le cœur de la femme, est comme une de ces plantes exotiques que l'on cultive sans en obtenir de fleurs. Pour se consoler des hommages qu'on ne lui rendait plus, elle se mit à écrire et composa quelques ouvrages qu'on retrouve dans les Mémoires sur sa vie, publiés par Aschenholz en 1741. Le dernier de ses amants fut un marquis d'El Monte, qui lui fit payer cher par sa brutalité une ombre de bonheur. Elle fut atteinte, en 1686, à l'âge de 60 ans, de la maladie qui devait l'emporter. Le cardinal Odescalchi occupait alors le trône pontifical sous le nom d'Innocent XI. Nous empruntons le récit de cette mort à une relation italienne de l'époque. Sa Majesté commença en 1686 à être atteinte d'un érysipèle aux jambes qui lui revint les années suivantes au mois de février avec une grosse fièvre. Le 15 janvier 1689, elle eut son accès habituel et le mal s'annonça avec une malignité particulière. Elle fut bientôt à l'article de la mort et elle fut visitée par le seigneur cardinal Otto Boni de la part de sa sainteté qui s'excusa de ne pouvoir venir elle-même à cause de ses infirmités. Elle fut encore visitée par son excellence le signor De Olivio Odescalchi, le digne neveu du pontife. Cependant, elle avait paru se remettre de cette crise lorsque le 24 avril, vers les 3 heures de la nuit, la fièvre ordinaire de l'érysipèle l'attaqua de nouveau avec une violence extrême. Et comme le mal ne parut pas à la jambe, comme il se montrait habituellement dans les rechutes, on craignit qu'il ne se montrât au poumon. Ce qui arriva malheureusement, et malgré tous les remèdes possibles, le 5e jour, c'est-à-dire le 19 avril 1689, à midi. La reine, comme si elle eût reposé, étant couchée sur le côté droit, avec la main gauche sur le cou, sans nul mouvement ni contorsion, mais avec une tranquillité remarquable, passa à la possession du ciel. Par son testament, qui nommait pour son héritier universel le cardinal De Ciasolino, elle fit quelques legs particuliers où se retrouvent les traces de ses galanteries. Ainsi, elle désignait parmi ceux de ses serviteurs auxquels elle laissait une certaine somme d'argent le capitaine François Landini, un des 3 gardes qui avait presque sous ses yeux tué à coups d'épée par son ordre le malheureux marquis Monaldeschi. Son dernier amant, le marquis Del Monte, étant mort peu de temps auparavant, elle laissa à son fils un legs magnifique. Nous laissons au marquis Jean Mathias Del Monte tout ce que nous avons donné au feu marquis son père, et voulons, en outre, de la pension que nous lui avons déjà assignée, que 10 000 écus romains lui soient comptés une fois pour toutes. Enfin, elle avait affecté une forte somme à l'effet de faire célébrer 20 000 messes pour le repos de son âme. Pour ses péchés d'amour, c'était trop, mais était-ce assez pour lui faire pardonner le meurtre de Fontainebleau ? Parmi les pensées qu'on a recueillies dans les écrits de Christine de Suède se trouve cette pensée. Tout homme qui ne préfère pas son devoir à ses plaisirs n'est bon à rien. Si cette pensée peut s'appliquer aussi aux femmes, Christine de Suède a prononcé son propre jugement. Elle n'était pas bonne à grand-chose.